C'est l'heure de ranger les bouteilles vides qui traînent entre les cendriers pleins et nos yeux et nos cernes. Dehors il fait clair, mais je ne suis pas sûr de vouloir dormir. Et si tu veux bien, on oublie que c'est déjà demain. La fête est finie. La fête est finie. La fête est finie. La fête est finie. J'ignore encore la couleur de ce qui coule dans nos veines. On ne dit rien, on sait que ça n'en vaut pas la peine. C'est une heure étrange, il est trop tôt pour aller dormir, et déjà trop tard pour commencer une histoire. La fête est finie. La fête est finie. La fête. Paupières lourdes et puis ton parfum sur mes doigts. Et puis ce drôle de goût de dernière fois. Comme c'est dommage, j'aimais bien me coucher le matin en serrant fort tes hanches dans mes mains. Des croissants et puis du café noir qui fume. Mais personne ne cherche à dissiper les brumes. C'est une heure étrange, il est trop tôt pour aller dormir, et déjà trop tard pour commencer.